Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Il avait constitué une petite entreprise familiale et comme dans la chanson de Bachung, cette petite entreprise ne connaissait pas la crise. Bien au contraire, et les dollars arrivaient par milliers. Jusqu'à ce jour de 1985, où à la suite de la trahison d'un membre de la cellule familiale, tout s'est écroulé. À ma connaissance, dans l'histoire de l'espionnage, le cas de la famille Walker est unique. Unique aussi la masse de renseignements, plus d'un million, que cette entreprise familiale nichée au sein de la marine états-unienne a transmise au KGB contre de solides rétributions. Sa situation était si prospère que John Anthony Walker, le chef de famille, a pu envoyer benoîtement à ses employeurs soviétiques la note suivante. Aucun des membres de l'organisation ou futur membre, n'a les problèmes qui sont la plaie habituelle de ce type de business. Drogue, alcool, homosexualité. Nous sommes tous psychologiquement sains et matures. Et l'organisation a la capacité de blanchir les fonds que vous nous adressez. La semaine passée, M. X a brièvement évoqué John Walker et son rôle dans l'affaire du naufrage du sous-marin soviétique K-129. Je résume. À Moscou, en 1968, quelques hauts dirigeants communistes proches du KGB auraient mis sur pied un plan machiavélique destiné à provoquer un conflit entre les deux meilleurs ennemis de l'URSS, les États-Unis et la Chine. Pour ce faire, ils auraient imaginé d'utiliser un sous-marin soviétique déguisé en submersible chinois. À portée de la base américaine de Pearl Harbor, un missile nucléaire aurait alors été tiré. Mais la fusée se serait auto-détruite car les comploteurs ne connaissaient pas la totalité du protocole à respecter avant le lancement d'un tel engin nucléaire. Et l'explosion aurait entraîné le naufrage du K-129. Tant à Washington qu'à Moscou, cette effrayante histoire a été étouffée. Mais les Américains, qui ont récupéré une partie de l'épave du K-129, auraient découvert le fin mot de l'histoire, une vérité rigoureusement tenue secrète jusqu'à aujourd'hui, malgré quelques fuites dans la presse. Quant à l'intervention de Walker, elle aurait constitué à informer le KGB que Washington s'attendait à être attaqué par la Chine. Muni de cette précieuse information, les félons du Kremlin seraient donc passés à l'action en escomptant que leur offensive criminelle serait aussitôt attribuée aux Chinois. Mais nous allons voir avec M. X, la capacité de nuisance de Walker est allée bien au-delà. Avant de voir précisément qui était John Anthony Walker, il faut vous dire que jamais un homme n'a été plus haï par la communauté des sous-mariniers américains que cet espion de haut vol. Pour quelle raison exactement alors ? Pour bien comprendre, il me faut revenir rapidement sur ce que je vous ai dit la semaine dernière. Les soviétiques, qui ont été longtemps dans l'ignorance de la cause réelle du naufrage de leur sous-marin, K-129, ont toujours prétendu que le submersible avait sombré à la suite d'une collision avec un bâtiment américain qui l'avait approché de trop près. C'est d'ailleurs toujours cette version qui prévaut à Moscou. Et l'arrivée au Japon, quelques jours plus tard, d'un sous-marin américain endommagé a conforté cette thèse. Bien entendu. Or, peu de semaines après, à la fin mai 1968, un submersible américain, le Scorpion, a coulé au large des Açores. Et à Washington, on a immédiatement pensé que cette catastrophe résultait d'un torpillage effectué par un sous-marin soviétique. Une mesure de représailles alors, après le naufrage du K-129 ? Évidemment. même si cette version n'a jamais été réellement confirmée. Mais pour leur part, les sous-mariniers américains n'ont jamais douté. Et lorsque Walker a été confondu en 1985, ils ont aussi compris que cet espion qui avait réussi à transmettre aux soviétiques tous les codes cryptographiques de la marine américaine était directement responsable de la mort de la centaine de marins qui se trouvaient à bord du Scorpion. Mais parce que sa trahison a permis aux soviétiques de détecter la position du sous-marin américain, le Scorpion. Là. Oui, bien sûr. Alors, pardonnez-moi, à mon tour, de revenir sur notre entretien de la semaine passée, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Vous avez bien dit que c'était les Américains qui, grâce à leur réseau de satellites, avaient précisément localisé le lieu où le K-129 avait sombré. Hein. Grâce à la lumière très vive résultant de l'explosion du sous-marin. Ouais. Et à Moscou, on n'aurait pas pu obtenir ce renseignement puisque des recherches ont été vainement effectuées dans une autre zone. Alors, Walker aurait donc failli, là. Je pense plutôt que la position de ce naufrage très suspect n'a pas été communiquée à tous les organismes de renseignement des États-Unis. Mmh. Walker n'aurait donc pas pu obtenir l'information. Ça me paraît plausible. Rappelez-vous que les manœuvres américaines de récupération de l'épave se sont déroulées dans un secret absolu. Mmh. Ouais, je suis quand même pas tout à fait convaincu. Enfin bon, passons. Alors, qui était ce Walker ? Jaws, comme on l'appelait, un surnom fabriqué avec les initiales de son prénom et de son patronyme. Ouais, mâchoire en anglais, hein, Jaws. Ça correspond bien à ce personnage dont les appétits ne connaissaient pas de limite. Appétit pour les femmes, l'alcool et surtout pour l'argent, qui était le principal moteur qui le faisait avancer. Mmh. Avec cet individu, on n'a donc pas affaire à un espion, idéologique, c'est-à-dire un espion qui agissait par conviction. Ah non, mais vous le savez, les services de l'Est ont eu de plus en plus de mal à recruter des espions qui trahissaient par sympathie pour le communisme. Et ça a été particulièrement vrai à partir de la fin des années 50. Oui, après l'affaire hongroise. En effet. Alors, d'où vient Walker ? À l'origine, c'est un petit voyou arrêté à de nombreuses reprises pour vol. Lors de sa dernière interpellation, en 1955, il a alors 18 ans, le juge lui met un marché entre les mains. Ou tu retournes en prison, ou tu t'engages dans l'armée. Mmh. Et il a naturellement choisi la deuxième solution. Et il a été incorporé dans la marine, où ce petit malin est devenu spécialiste des communications. Il rejoint alors la base de Charleston, en Caroline du Sud, un centre d'entraînement pour sous-mariniers. Ce qui veut dire quand même qu'il a un certain talent. Ah, c'est incontestable. Mais comme sa solde de marin ne lui suffit pas, ben il ouvre un restaurant-bar. Attendez, tout en restant dans l'US Navy, hein ? Eh oui, aussi étonnant que cela paraisse. Ouais, mais quand on a un nom de whisky, hein ? Oh, c'est un peu facile, non ? John Walker est ensuite affecté à Norfolk, en Virginie, au centre du commandement des forces sous-marines de l'Atlantique. Une base qui a en charge deux sous-marins nucléaires lanceurs de missiles. Et il s'occupe toujours des communications, hein ? Oui, oui, Walker est devenu un spécialiste des transmissions. Il connaît donc à la perfection les systèmes sophistiqués utilisés par la marine américaine, les machines à coder les messages et bien sûr les clés qui servent à décrypter ces messages. Ah, c'est un bagage précieux, ça. Et qui peut valoir très cher. Walker ne tarde pas à le comprendre, car il a toujours besoin d'argent. Non seulement pour nourrir sa famille, il est marié et père de 4 enfants, mais aussi pour sortir ses maîtresses. Criblé de dettes, il pense alors vendre tous ses secrets qui lui passent entre les mains. Et il va s'adresser tout naturellement à l'ennemi, c'est-à-dire aux soviétiques. Obligatoirement. Il ne s'embarrasse pas de précautions particulières. Un beau jour de la fin de l'année 1967, il s'en va tout bonnement frapper à la porte de l'ambassade de l'URSS à Washington. Bon, c'est pas la première fois que vous évoquez l'histoire de traîtres qui ont commencé ainsi leur carrière d'espion. Et moi, ça, pardonnez-moi, ça m'a toujours paru extravagant. C'est pourtant la vérité. Aldrich Ames, la taupe de la CIA, n'a pas agi autrement. Bon, poursuivons. Walker est donc reçu par un diplomate qui doit être à coup sûr un agent du KGB. Le soviétique écoute, demande des explications. Walker assure qu'il peut fournir des informations très importantes. Mais l'autre a quand même des doutes. Et pourquoi ? Parce que Walker n'est qu'un adjudant-chef. Comment pourrait-il être en possession de renseignements aussi précieux que les codes de la marine ? Alors Walker lui sort le grand jeu, car il n'est pas venu les mains vides. Ah oui, il a emporté des documents avec lui ? Oui, un échantillon en quelque sorte. Et cela suffit à convaincre l'homme du KGB qu'il a sans doute en face de lui une future taupe de première importance. Ouais, mais pour ça, il faut payer, hein. Et d'après ce que vous avez dit, Walker est gourmand. Aucun problème. Les Soviétiques, qui sont pourtant chiches en la matière, sont prêts à débourser ce qu'il faut. Ils vont même assurer à Walker une solde hebdomadaire de 1000 dollars. Un vrai pactole pour le marin qui ne touche dans l'armée que 750 dollars par mois. Les hommes du KGB sont donc tout de suite convaincus qu'ils ont trouvé là la perle rare. Oui, le résident de Washington se serait même exclamé « C'est un coup de chance qui n'arrive qu'une fois dans sa vie ». Et notez bien que tous les agents soviétiques qui traiteront le dossier Walker bénéficieront de promotions très rapides. Ah, c'est une reconnaissance implicite de la valeur des informations transmises par le marin américain. Exactement. Et voyez-vous, ce qui étonne le plus les hommes du KGB, c'est la facilité avec laquelle un simple sous-officier peut avoir accès à des renseignements aussi considérables. Mais n'est-ce pas aussi une raison pour se méfier ? Et de craindre une manœuvre d'intoxication. Oui. La direction du KGB y a sans doute pensé dans un premier temps. Mais ensuite, elle n'a plus douté. Et la centrale soviétique a largement profité des failles qui existaient dans les systèmes de sécurité de la marine américaine. D'autant que peu après son recrutement, Walker va faire un prodigieux cadeau à ses employeurs de l'Est. Vous avez parlé d'un prodigieux cadeau. Oui, il s'agit d'une affaire dont nous avons parlé ici même il y a une dizaine d'années. La capture d'un navire espion américain par la marine nord-coréenne au début de 1968. Oui, je me souviens, le Pueblo. C'est ça. Ouais. Et Walker serait intervenu à l'occasion de cette capture ? C'est vraisemblablement lui qui a averti ses employeurs soviétiques de la nature exacte de la mission du Pueblo et surtout de ce qui se trouvait à bord de ce bateau. Lui aussi, qui a donné les coordonnées exactes de la position de ce bâtiment espion. Alors, un petit rappel, si vous le voulez bien. Mais je vous interromps là. Je me souviens fort bien que vous m'aviez parlé de cette affaire très humiliante pour les États-Unis, mais vous m'avez aussi dit que des faucons américains avaient fait en sorte que le Pueblo soit capturé, c'est ça ? Afin de provoquer un incident très grave entre les États-Unis et la Corée du Nord, oui. Et contraindre le président Johnson à utiliser la force. Et même l'arme atomique. N'oubliez pas que les États-Unis étaient de plus en plus impliqués au Vietnam et que certains généraux, pour faire face à l'offensive communiste, envisageaient purement et simplement de lancer une bombe nucléaire sur le Nord-Vietnam. L'affaire du Pueblo aurait donc pu être l'étincelle qui aurait amorcé la grande explosion. Ouais. Et dans ce but, le Pueblo aurait été rendu particulièrement vulnérable pour faciliter sa capture. Exact. Et ça amoindrit l'importance du rôle qu'a joué Walker dans cette affaire. Oui, parce que effectivement, l'arraisonnement du Pueblo s'est fait sans difficulté. Et non, parce que l'essentiel se trouvait dans les cales du bateau. Mais j'y viens dans un instant. Mais auparavant... Au fond, l'initiative de ces faucons américains là ressemble beaucoup au complot fomenté par ces renégats soviétiques qui ont essayé de faire passer le K-129 pour un sous-marin chinois. Hein. Ce qui signifie que la folie ou l'extrémisme sont également partagés. Alors, brièvement, la mésaventure du Pueblo. Dans la nuit du 23 janvier 1968, ce bâtiment lent et vieillissant navigue au large des côtes nord-coréennes dans la mer du Japon. Très près des côtes ? Très près, oui. Afin de pouvoir enregistrer les communications terrestres. Mais à quelle distance exactement ? Oh, la limite des eaux territoriales, c'est 12 000. Et le Pueblo respecte cette limite ? C'est une question importante et controversée. En fait, si vous voulez mon avis, le Pueblo a délibérément violé cette limite. Parce que le commandant avait des ordres. Donc, cette nuit-là, le Pueblo navigue à petite allure quand un patrouilleur nord-coréen apparaît. Par signaux à vue, il demande au Pueblo sa nationalité. Le commandant américain répond ? Loy Bucher, c'est son nom, répond par signaux qu'il est américain. Alors le Nord-Coréen ordonne au Pueblo de se rapprocher, sinon il ouvre le feu. Est-ce que le bateau américain a les moyens de répliquer ? Pratiquement pas. Ce qui veut dire là. Il dispose en tout et pour tout d'une mitrailleuse. Une arme que les marins ne pourraient même pas utiliser s'ils en avaient l'intention, car elle est prise par la glace. Ouais. Mais est-ce que le commandant du Pueblo obéit pour autant à l'injonction du patrouilleur nord-coréen ? Non, il signale qu'il se trouve dans les eaux internationales et qu'il n'a donc pas à obéir. Alors le nord-coréen s'approche et commence à louvoyer autour du Pueblo. Pour l'empêcher de fuir ? Bien sûr. Et bientôt, trois autres bâtiments nord-coréens arrivent.

Dans la partie de bras de fer que la Corée du Nord avait engagée avec les États-Unis, les communistes marquaient là incontestablement un point. Bon, j'en termine avec ce rappel. Finalement, l'équipage du Pueblo sera relâché. Mais le bateau restera en Corée du Nord. Et surtout, les communistes possédaient maintenant la fameuse boîte KW7 et pouvaient l'étudier à loisir. Et grâce aux documents fournis par Walker, la marine états-unienne, ses mouvements, ses communications, a été maintenant littéralement transparent pour les services de l'Est. Walker avait donc, si je puis dire, brillamment commencé son travail de taupe. Et il va continuer pendant très longtemps, puisqu'il ne sera confondu qu'en 1985. Après ce premier contact direct et imprudent à l'ambassade de l'URSS, là, comment va-t-il désormais communiquer avec les agents du KGB ? Bon, à part quelques rencontres physiques en Europe, il utilise le système des boîtes à lettres mortes, selon un protocole précis fixé par les soviétiques. Il y a d'abord un signe qui indique que la voie est libre. Une canette de pierre placée sur un sentier forestier, par exemple. Puis l'espion accède à la boîte à lettres. En l'occurrence, il s'est souvent agi d'un sac de détritus. Walker y récupérait sous les ordures l'argent en liquide qui lui était dû et y enfouissait ensuite les documents qu'il avait photographiés. Et comme à l'aller, il indiquait par un signe quelconque que la boîte était pleine. Un système très simple. Mais très efficace. Mmh. Des centaines de milliers d'informations capitales ont ainsi transité dans des sacs de détritus déposés dans les forêts de Virginie. Et parfois, au cours de ses tournées, Walker se faisait accompagner par sa femme. Encore une imprudence, là ? Non. Un couple qui se promène paisiblement en forêt n'inspire aucun soupçon. Et puis, il y avait aussi chez Walker le désir de mouiller sa femme. Mouiller sa femme, c'est-à-dire ? Elle se doutait forcément que son épouse se livrait à des activités illégales. Sinon, comment expliquer tout cet argent que manipulait Walker ? Alors oui, en lui demandant de l'accompagner, il en faisait sa complice. Voilà, une précaution comme une autre. Car il se pouvait que sa femme, jalouse de ses maîtresses, ne finisse par se venger en le dénonçant. Ce qu'elle finira par faire, d'ailleurs. Enfin, n'allons pas trop vite. Ah bah oui. En tout cas, cette participation volontaire ou pas de son épouse à sa besogne d'espion amène peu à peu Walker à embaucher d'autres membres de sa famille. Ah, il va monter un véritable réseau familial. Il commence avec son fils, Michael, qui lui aussi s'est engagé dans la marine et va naviguer à bord du porte-avions Nimitz. Et ce jeune homme-là a accepté ? Oui, parce qu'on retrouvera dans les papiers de Walker des documents provenant du Nimitz. Mais il opère aussi de la même façon avec l'une de ses filles, Laura, qui a rallié les forces armées. Cependant, Laura, à la différence de son frère, refuse tout travail d'espionnage. Ça se traduira même par une violente dispute avec son père quand celui-ci tentera de la faire avorter, au prétexte que la naissance d'un enfant pourrait entraver son ascension dans l'armée et nuire à une promotion dans un secteur où circulaient des informations sensibles. Mais Walker n'est nullement rebuté par cet échec. Il a recruté un autre membre de sa famille ? Oui, son frère Arthur, un lieutenant-colonel à la retraite. Walker fait jouer ses relations et réussit à le placer en tant que consultant militaire dans une société travaillant pour la marine. Et Arthur devient à son tour une taupe. Tout à fait. Il faut dire qu'à l'époque, on est alors dans la première moitié des années 80, Walker lui-même a pris sa retraite de la marine. Il n'a donc plus accès directement à des sources secrètes. Mais il ne compte pas renoncer aux considérables subsides que lui verse le KGB. Tout en exerçant la profession de détective privé, il a donc trouvé ce moyen pour continuer à alimenter les soviétiques en information. Toutefois, il ne s'est pas limité à embaucher des membres de sa famille. En 1973, alors qu'il était devenu enseignant à l'école des opérateurs radio de la marine, il a recruté l'un de ses collègues, un chef opérateur radio, Jerry Whitworth. Un homme qui, comme lui, a la possibilité d'avoir accès à des données secrètes. Oui, Whitworth, bientôt affecté à la station d'écoute et de surveillance de la marine sur la base de Diego Garcia. Et à tout comme Walker, connaissance de documents classifiés et de données cryptographiques. Et lorsque Walker aura pris sa retraite, il le suppléera très efficacement. Mais concrètement, là, à quoi ont servi les renseignements transmis par Walker et sa petite entreprise là ? Vous avez parlé de l'affaire du Pueblo, soit, mais quoi d'autre ? D'abord, il a permis aux soviétiques de se tenir informés des progrès techniques mis en œuvre dans la marine états-unienne. Ensuite, son activité a été redoutablement efficace pendant la guerre du Vietnam dans sa dernière phase. Walker a pu, en effet, prévenir ses employeurs soviétiques des mouvements des bateaux de guerre américains dans le golfe du Tonkin. C'est tellement vrai qu'à plusieurs reprises, à l'occasion de manœuvres par exemple, les marins de l'US Navy ont vu surgir de façon apparemment inopinée des navires soviétiques qui croisaient dans les parages. Mais il y a eu encore plus préoccupant pour les Américains. Je vous écoute, là. Il semble que Walker, bien qu'étant versé dans la marine, ait pu être mis au courant des missions de bombardement effectuées par les B-52 au-dessus du Nord-Vietnam ou de la piste Ho Chi Minh. Il aurait ainsi pu avertir à temps les troupes communistes qui auraient abandonné les zones ciblées avant les bombardements. Walker a donc rendu d'éminents services aux adversaires de son pays. Oui, et selon certaines informations, Moscou, pour le récompenser, l'aurait même gratifié d'un grade d'amiral. Lui, le simple sous-officier. Et même si l'attribution de ce grade était d'abord honorifique, ça montre bien que le KGB le tenait en haute estime. Tout en sachant qu'il ne trahissait que pour l'argent. Pour Moscou, seul le résultat comptait. Et Walker a certainement été l'un de leurs plus grands espions. Il est donc tombé, m'avez-vous dit, en 1985. Dans quelles circonstances ? Il faut d'abord dire que malgré son intempérance et sa vie sexuelle agitée, John Walker était lucide. Et il savait qu'il risquait un jour ou l'autre d'être démasqué. Par un transfuge, par exemple. C'est toujours la hantise des services secrets. Mais dans le cas de Walker, le KGB avait pris de grandes précautions et très peu de gens connaissaient l'existence de la taupe. En tout cas, si Walker a pris sa retraite de la marine très tôt, il avait tout juste 40 ans, c'est sans doute parce qu'il avait peur de se faire prendre. Ce qui ne l'a quand même pas empêché de continuer à animer son petit réseau. Oui, mais c'est autre chose que de micro-photographier clandestinement des documents dans le bureau de la marine. Le risque est plus grand. Mais le danger n'est pas venu de là. Sa femme, avez-vous laissé entendre ? Oui, cette épouse dont il venait de divorcer, une femme trop souvent délaissée qui noyait son chagrin dans l'alcool. Alors un jour de 1984, Barbara Walker est allé à Boston voir le représentant local du FBI. Mais pour des raisons administratives que je vous passe, c'est un fonctionnaire du petit bureau de Yanis qui l'a reçu. Elle venait, dénoncer son mari ? Je soupçonne mon ex-époux d'être un agent soviétique. Elle raconte les allées et venues de Walker dans les bois de Virginie. Et elle a ajouté, il a même essayé de forcer ma fille Laura à trahir. Résultat ? L'homme du FBI a noté consciencieusement sa déposition. Mais il n'y a pas attaché autrement d'importance. Toutefois, il a transmis le document au bureau de Boston où un autre fonctionnaire l'a classé dans un dossier. Et l'affaire en est restée là. C'est une grave négligence. Ça y ressemble. Ouais. Et ça continue. Au mois de janvier 1985, c'est au tour de Laura Walker, de s'adresser au FBI. Elle veut savoir quelle suite a été donnée à la dénonciation faite par sa mère. Et là, elle est purement et simplement éconduite. Mais heureusement pour le contre-espionnage, le rapport du premier agent a été envoyé, comme le veut le règlement, à d'autres bureaux. Et dans l'un d'eux, un fonctionnaire le lit et lui trouve un incontestable accent d'authenticité. Et il décide d'enquêter, hein ? Avec l'autorisation de sa hiérarchie, oui. C'est ainsi que le détective privé, John Walker, est mis sous surveillance. Il est filé, ses communications téléphoniques sont écoutées, et un beau jour du mois de mai, les agents acquièrent la conviction que Walker va livrer un lot de documents à son officier traitant du KGB. Toujours dans les bois, là ? En effet. Aussi, le FBI met-il en place un piège. Afin de prendre l'espion en flagrant délit. Évidemment. Alors, à distance, les agents spéciaux observent le manège de Walker qui dépose un sac de détritus au pied d'un panneau indicateur. Puis il voit une voiture portant une plaque diplomatique se garer à proximité. Une voiture de l'ambassade soviétique ? Oui, mais les policiers, dans l'ignorance du système de sécurité mis en place par Walker, ont commis une erreur en donnant un coup de pied dans une canette de bière. Ah oui, c'est l'indice qui montrait que la voie était libre. Aussi, le diplomate, ne trouvant pas la canette là où elle aurait dû se trouver, s'est empressé de rebrousser chemin. Toutefois, les agents du FBI n'ont pas tout à fait échoué. Au fond du sac de détritus se trouvait une bonne centaine de documents secrets, dont certains concernaient le Nimitz. Le porte-avions où servait le fils de Walker. La taupe, alors, est donc confondue, là. Et peu après, l'ancien marin est arrêté dans un motel voisin. Et après avoir tenté de résister, il se rend. Fin de l'histoire ? Et effondrement de la dénonciatrice. Walker avait toujours promis à son ex-épouse qu'il ne recruterait jamais son fils. Or, Michael est bel et bien compromis et rejoint son père en prison. Lui et aussi les deux autres membres du réseau, le frère de Walker et Jerry Whisforth. Tous à l'exception du fils, qui ne sera condamné qu'à une vingtaine d'années de prison et que prend d'une peine à perpétuité. C'est donc un succès pour le FBI, là. Hein. Mais aussi une terrible révélation. Pendant presque deux décennies, les Soviétiques ont lu à livre ouvert la plupart des secrets de la marine américaine. Et ça va obliger les services états-uniens à réviser leur système de sécurité et à partir à la chasse aux taupes. Mais il leur faudra encore de longues années avant de débusquer deux d'entre elles, Aldrich Ames et Robert Hansen. A contrario, l'arrestation de Walker est aussi un revers pour le KGB. Hein. Certes, mais les Soviétiques vont en profiter pour en faire une étonnante opération de désinformation. Rappelez-vous de ce curieux transfuge soviétique Yuri Yurchenko. Ah, c'est le vrai faux transfuge là, qui ne fera qu'un aller-retour aux États-Unis. Eh bien, coïncidence, il a fait défection quelques semaines après l'arrestation de Walker. Et pendant son bref séjour dans les bureaux de la CIA, il n'aura de cesse de dire à ses interlocuteurs que grâce à Walker, l'URSS avait pris une longueur d'avance dans la compétition militaire. Ah, comme mensonge, là. Mais peu importe, il fallait, pardonnez-moi l'expression, ficher la fosse aux Américains. À signaler dans le livre de Fabrizio Calvi et David Kerr Brown, FBI, l'histoire du bureau par ses agents, un récit très détaillé de la traque et de l'arrestation de John Walker, un ouvrage paru récemment chez Fayard.